L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission mensuelle, l'apostrophe, l'émission, avec aujourd'hui en studio Jean-Joël Le Chapelain, directeur de l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, complice permanente de cette émission. Bonjour Jean-Joël. Bonjour. Avec en studio Brigitte Jacques Wajman, metteur en scène de la pièce Polyeucte de Pierre Corneille, qui sera bien à l'affiche très prochainement, les 23 et 24 mai prochains. C'est-à-dire d'ici peu de jours. Bonjour. Bonjour. Par insert téléphonique, nous aurons David G. Selson, metteur en scène et comédien de spectacle En route, Kaddish. Et enfin Jacques Vincet pour la pièce Hund, dont il assure la mise en scène. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Avec Jean-Joël Le Chapelain, l'occasion est bien de nous dire quelques mots au sujet de cette 8e édition de Théâtre et Politique, un temps fort qui marque la saison depuis maintenant quelques années. Pourquoi cet événement? Pourquoi ce temps fort? J'ai lu, peut-être un début d'explication, collectivement, il s'agit de penser le monde. Oui, enfin, nous en sommes tous là dans les théâtres à vouloir essayer de penser le monde, pas seulement dans les théâtres d'ailleurs, et à le penser avec les artistes et les intellectuels et les penseurs précisément qui nous permettent d'avoir un regard alternatif sur ce que nous vivons. Et la période dans laquelle nous sommes témoigne que ça peut être plus qu'utile d'avoir des points de vue différents. Donc modestement, ce rendez-vous autour du théâtre et politique qui ne se consacre pas à une période particulière de l'histoire, mais essaye de balayer l'ensemble de cette problématique, n'a que cela pour ambition, et donc de montrer les différents apports, les différents points de vue qu'ont les artistes dans ce sujet, pour traiter ce sujet, et donc ça nous permet comme ça d'avoir cette réflexion à partager, à la fois avec les artistes et évidemment avec les spectateurs qui poussent la porte. En même temps, j'ai l'impression que ça reste encore une forme d'audace d'associer ou de rapprocher le mot théâtre avec politique. Je ne sais pas si c'est vraiment une audace, j'aurais scrupule à nous adresser des louanges, d'autant que ce n'est pas dans cet esprit-là que c'est fait. Mais il est vrai que le théâtre a toujours été politique. Mais des deux mots, c'est surtout le mot politique qui paraissait, à une certaine époque, un peu incongru. D'ailleurs, 8 ans après, on doit reconnaître que le paysage a beaucoup changé, puisque sur les scènes de théâtre européennes, enfin françaises en particulier, il y a quand même beaucoup de ces questions qui sont débattues sur la condition de l'homme, sur l'écologie, sur la question de la politique et de la migration, de la place des étrangers, enfin, tout cela qui traverse quand même beaucoup plus notre société sur les plateaux de théâtre, nous semble-t-il, qu'il y a 7-8 ans, et tout cela nous paraît tout à fait heureux, et en même temps, ce n'est pas forcément de tirer les choses du côté strictement négatif des points de vue, des regards que l'on peut porter, mais c'est des moyens de nous dessiller, d'ailleurs. La pièce dont va nous parler Brigitte tout à l'heure témoigne d'une permanence à travers le temps des préoccupations des humains, des décideurs et des questions qui nous agitent face au cosmos. Théâtre et politique, le cycle pour cette édition 2017, c'est du 9 au 29 mai, ici sur Cergy-Pontoise, à l'affiche de l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Polyeucte, tragédie de Pierre Corneille, mise en scène par Brigitte, Jacques Wajman, l'une de nos invitées aujourd'hui. Alors, une pièce, d'ailleurs, on parlait de théâtre et politique, je crois savoir que vous étiez déjà intervenu dans une édition précédente pour la pièce Tendre et cruelle. Peut-être rebondir sur ce qui vient de se dire là, à l'instant, avec Jean-Joël Le Chapelain, sur le lien, l'association entre théâtre et politique. Vous, metteur en scène, ouais. ça doit vous parler, forcément. Oui, forcément. À mon sens, je suis très, très ravie de participer à ce projet, parce que pour moi, le théâtre est toujours politique, d'une certaine manière, et même parler comme la question est de l'existence en société, l'être ensemble,

L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. David Gesselson, vous êtes metteur en scène, auteur et interprète du spectacle qui sera prochainement à l'affiche à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre pour le spectacle En route Kaddish. En route Kaddish est un spectacle sur une histoire d'héritage et sur l'histoire de l'héritage qu'un grand-père lègue bien malgré lui à son petit-fils. Et cet héritage, il est celui d'un homme qui est parti de Lituanie, donc d'Europe de l'Est, pour aller vivre en Palestine, au Moyen-Orient, au début des années 30. Et donc le spectacle raconte la trajectoire de cet homme, et à travers la trajectoire de cet homme, on va avoir connaissance de l'histoire des événements et du conflit qui a opposé les Palestiniens aux Israéliens depuis le début des années 30 et jusqu'en 1948, date de la Nakba, la catastrophe palestinienne. C'est pas un spectacle sur le conflit israélo-palestinien à proprement parler, c'est un spectacle qui, racontant l'histoire d'un individu qui est allé vivre là-bas, va incidemment donner des informations sur cette histoire. Mais c'est plus un spectacle sur qu'est-ce que le petit-fils de cet homme, en l'occurrence, c'est un personnage que j'ai écrit qui est inspiré de ma propre vie, qu'est-ce que ce petit-fils subit et comment est-ce qu'il peut vivre cet héritage? Qu'est-ce qu'il a sur les épaules, lui qui n'est ni israélien, ni palestinien, ni juif, ni arabe, pas religieux? Comment on fait quand on a aujourd'hui une trentaine d'années et qu'on hérite de ce genre d'histoire-là? Comment on fait pour devenir un adulte et comment on fait pour se construire une identité propre quand on vient de ces histoires-là? Voilà, le spectacle met donc en scène ce grand-père, qui est joué par Elios Noël, et son petit-fils, qui est joué par moi-même, depuis les années 20 jusqu'aux années 2009, je crois qu'il est décédé, c'est voilà, ça? Voilà, c'est ça, 2009. Mmh. Voilà. Alors, l'histoire, oui, l'histoire, je disais migration, j'aurais plus été inspiré par le mot itinérance aussi, peut-être. Oui, c'est vrai. Oui. C'est l'histoire de votre grand-père qui a traversé tout le XXe siècle et qui avait, lui, comme peut-être chacun de nous, un idéal. Vous nous rappelez son idéal? Oh, c'est compliqué à résumer. Il avait espoir, effectivement, comme beaucoup aujourd'hui, de vivre dans un lieu en paix. Et il a quitté la Lituanie pour pouvoir vivre en paix, et c'est pas tout à fait ce qu'il a trouvé. Il est arrivé en Palestine au début des années 30, et la situation était déjà extrêmement compliquée, et son idéal a vite été confronté à une réalité tout à fait complexe. Et donc voilà, il aspirait à vivre pacifiquement dans un lieu, et ce que vient questionner le spectacle, c'est oui, mais dans quel lieu es-tu arrivé? Oui, oui. Le petit-fils va demander à son grand-père, mais quand tu es arrivé en Palestine dans les années 30, qui était là et de quelle terre t'es-tu emparé pour pouvoir t'y installer? Et si tu t'en es emparé, de quel droit? Et évidemment, c'est pas un spectacle qui est... C'est un spectacle qui est politique au sens où il parle dans la cité, dans la police, d'une trajectoire d'un individu qui, comme vous le disiez, comme vous le rappeliez, a traversé l'histoire du XXe siècle. C'est pas un spectacle qui appelle à prendre parti, c'est pas un spectacle partisan. S'il y a un parti qu'on prend, il est évidemment celui des Palestiniens qui ont subi l'arrivée des Juifs d'Europe de l'Est au début du siècle, et avec cette catastrophe, encore une fois, la Nakba en 48, et l'exode et la grande violence faite et meurtre faite au peuple palestinien en 1948 avec le déplacement d'environ 850 000 personnes. Mais encore une fois, c'est un spectacle qui montre et qui dit les faits, qui a pour vocation de dire des vérités, et on laisse le spectateur s'emparer de ces vérités et en faire ce qu'il veut. À aucun moment on appelle à à prendre un parti, sinon de remonter un parti politique. Or, c'est pas mon objet. En même temps, pour nous aider à bien comprendre, quand je parlais d'idéal, voire de rêve, sur ce qui concerne l'histoire de vie de votre grand-père et l'héritage vers vous-même aujourd'hui, vers votre génération, c'est finalement la création d'un État qui est celui d'Israël, qui est devenu non plus un idéal, mais un véritable cauchemar. C'est un peu ça, au cœur de cette transmission. Disons que ce serait difficile de dire que c'était... Son idéal était encore une fois de vivre dans un lieu où il pouvait être en paix. Et ce lieu dont il a rêvé, effectivement, est devenu un cauchemar. Et effectivement, l'État d'Israël tel qu'il est aujourd'hui est, je pense, devenu tout à fait cauchemardesque. Il n'est pas un endroit de paix, loin de là, comme chacun sait. Mais effectivement, on peut parler d'un idéal déçu. En ce qui concerne l'histoire de mon grand-père, absolument. Dans le dossier de presse, d'ailleurs, au cours de cette émission, ça va être la deuxième fois que je cite Nietzsche, mais je l'ai retrouvé également dans votre spectacle. Dans le dossier de presse qui présente ce spectacle, il est dit la chose suivante: il est possible de vivre, et même de vivre heureux, presque sans aucune mémoire, comme le montre l'animal, mais il est absolument impossible de vivre sans oubli. Pourquoi avoir mis en avant cette citation de Nietzsche? Parce qu'en écrivant l'histoire de mon grand-père, je me suis rendu compte que je me suis confronté à la question de la mémoire de manière très très aiguë. Et en rentrant dans l'histoire israélo-palestinienne, on a affaire à une quantité d'informations, de choses qui ont été léguées, qui ont été mises en forme pour qu'on puisse s'en souvenir, qui dépassent l'entendement, qui est absolument gigantesque. Tellement que ça en est étouffant. Et cette mémoire devient absolument étouffante. D'un côté, il est absolument impossible, je pense, de ne pas prendre acte de cette mémoire, des deux côtés, et de ne pas connaître les faits pour pouvoir se positionner. C'est vital, nécessaire, indispensable. Et il faut le revendiquer. D'un autre côté, quand on ne vient pas de là, ce qui est mon cas, je suis né en France, je ne viens pas de ce pays-là, je ne viens ni de Palestine ni d'Israël. On a envie de pouvoir s'alléger. Et cette question de l'oubli, elle est mise aussi comme ça dans le dossier de presse pour dire: est-ce que pour s'alléger il faut oublier, ou est-ce qu'il faut mettre de côté? Est-ce que pour s'alléger il faut faire un déni? Je ne pense pas. Et comment est-ce qu'on peut vivre avec une chose d'une extrême violence sans l'oublier? Comment est-ce qu'on peut supporter le poids de ça? Oui. Je n'ai pas la réponse. Oui. Et l'objet du spectacle est de poser la question. C'est vrai qu'il y a d'autres questions qui sont posées au travers de ce spectacle. Jusqu'où la poursuite d'un idéal peut justifier nos actes, c'est-à-dire de ceux et celles qui vivent cette histoire là-bas, dans cette région du monde, et au-delà, puisque effectivement on dit souvent que ce conflit s'est exporté au-delà des frontières. Comment construire sa vie d'adulte aussi avec les fantômes familiaux et historiques écrasants? Je crois que ça dépasse ces interrogations, ces questionnements, dépasse même l'histoire, votre histoire familiale, et voire même cette histoire au cœur de ce conflit israélo-palestinien. C'est des questionnements plutôt universels, non? Tout à fait, c'est-à-dire que ce que je disais en début d'émission, l'histoire du conflit israélo-palestinien sert de prétexte à poser des questions familiales, philosophiques, éthiques, beaucoup plus larges et qui le dépassent. Ça sert vraiment de point d'appui, je dirais, de prétexte à questionner effectivement ce dont on parle là, l'héritage historique et la construction d'un individu. Comment est-ce qu'on construit son identité aujourd'hui, au XXIe siècle, avec les histoires qui nous précèdent? Et effectivement, le spectacle propose un questionnement de ça, disons une mise en scène, une confrontation avec les fantômes. En tout cas, Nietzsche questionne les morts. Comment est-ce qu'on dialogue avec les morts? Comment est-ce qu'on dialogue avec les fantômes du passé? Mmh. Il faut dialoguer avec eux pour pouvoir construire sa vie ou pas. Alors, les sujets que on pourrait dire que c'est un peu tragique, c'est dramatique, c'est grave finalement ce qui est évoqué dans notre échange. En même temps, la forme du spectacle, vous la décrivez comme une forme joyeuse de théâtre bricolé. Alors ça, c'est ce que nous a proposé comme intitulé le théâtre de Sergi. Ce qui est vrai, effectivement, c'est que là, on parle d'une chose qui a l'air très grave et terrible. C'est un spectacle drôle, où on rigole. Pas seulement, mais tout ça a été aussi abordé d'un point de vue, on tente de la légèreté à l'intérieur de quelque chose qui a l'air d'être extrêmement lourd, mais encore une fois, comme le spectacle ne rentre pas non plus dans un discours politique, voilà, on a aussi affaire à l'histoire, par exemple, de ce jeune homme de 35 ans, le petit-fils, qui, en quête d'amour et en perte totale de repères, part de la France pour aller au Japon, trouver l'amour, et il y a un certain nombre de scènes cocasses de lui au Japon, essayant de trouver comment s'en sortir, comment rencontrer quelqu'un dont il pourrait tomber amoureux, dans des scènes grotesque dans un bar japonais, oui, dans un hôtel. Voilà, on oscille en permanence entre une chose comique et plus dramatique. On voit bien récit de vie aussi, qui est marqué effectivement par différentes étapes, par différentes périodes de l'histoire. Est-ce que cela apparaît sous la forme d'images vidéo sur scène à l'occasion de ce spectacle ? Un petit peu, de manière disons saupoudrée le long du spectacle, où il y a un peu de vidéo. Il y a un peu de vidéo. Très bien. En route, Kaddish, peut-être explication de texte pour le titre ? En route, parce que c'est l'idée d'un chemin, c'est l'idée d'une quête, c'est l'idée d'un parcours qu'on essaie de faire à la recherche de quelque chose. Donc c'est une route. On part d'un endroit pour essayer de trouver une résolution. Kaddish, c'est la prière des morts. Dans le judaïsme, c'est une prière de passage. C'est une prière qu'on fait au mariage, pendant les naissances et aux enterrements. Et donc, c'est l'idée du passage. Donc, on se dirige vers le passage. Et puis, comment, en essayant de traverser ce passage, on réussit à devenir vivant ? Très bien. Bah, je pense qu'on a suffisamment d'indications pour inviter nos auditeurs à aller découvrir ce spectacle. Je disais tout à l'heure, texte, mise en scène et interprétation, c'est vous, mais vous n'êtes pas seul, on l'a compris. En route Kaddish, c'est à découvrir le mardi 23 mai à 20h30, le mercredi 24 mai à 19h, dans le cadre de la nuit du théâtre, comme nous avons pu évoquer au cours de cette émission, et les représentations, ce qui concerne votre spectacle, c'est à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Centre, un spectacle qui dure une heure et demie d'un seul trait, comme on dit, sans entracte, et qui est proposé au public à partir de 15 ans, c'est ça ? 16 ans. Merci David Gieselson pour cette présentation, et bien on vous retrouve prochainement donc à l'apostrophe à Cergy-Pontoise. Merci à vous. Merci. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Jacques Vincet. Bonjour. Vous êtes metteur en scène de la pièce Hound qui va être présentée au Théâtre des Louvrets à Pontoise, à l'affiche de l'apostrophe. Une pièce avec à l'affiche Nathalie Dessay, une interprète sublime, plus que sublime, captivante, qu'on a bien connue sur les scènes de l'art lyrique en France. Comment s'est fait cette rencontre entre vous et elle ? Car je crois que c'est ses premiers pas sur une scène de théâtre. Absolument, c'est la première fois qu'effectivement elle passe du lyrique à ce qu'on appelle le dramatique, qui n'est pas toujours dramatique d'ailleurs, qui peut parfois être comique. Cette rencontre s'est faite, comme souvent les rencontres qui sont des chemins détournés, des amis communs, et en particulier une comédienne, Marie-Lou Marigny, qui est une amie commune et qui a joué dans deux de mes spectacles. Donc Nathalie était venue en tant que spectatrice voir ces deux pièces, et puis à l'issue de l'une d'elles, elle m'avait dit, on ne se connaissait pas encore, mais elle m'avait dit, écoutez, moi j'aimerais un jour prochain faire du théâtre, n'hésitez pas à faire appel à moi, et puis voilà, le temps a passé, on a pensé à autre chose, l'un et l'autre, et quand cette pièce est devenue plus présente et plus concrète dans mon esprit, c'est une pièce qui est une pièce de théâtre, dans le sens où il n'y a pas de partie chantée, mais en revanche, c'est une pièce qui se comprend aussi et qui doit se comprendre non seulement avec les mots, mais aussi avec les sons et peut-être les rythmes et peut-être une musique qui s'entend derrière les mots et qui permet une appréhension et une compréhension qui n'est pas seulement une compréhension rationnelle. Mmh. Et c'est là que je me suis rappelé de Nathalie, donc je lui ai envoyé le texte. On a eu une première rencontre où effectivement elle a lu ce texte et qu'elle a eu cette première phrase qui est, je trouve, très emblématique après du travail qu'on a pu faire ensemble. C'est qu'elle m'a dit, je ne suis pas sûr de tout comprendre, ou même elle m'a dit plus brute parce qu'elle est assez cash, je ne comprends pas bien ce texte, mais ça me parle. Mmh. Et voilà, ce « ça me parle », c'était effectivement le début de notre collaboration qui a été quelque chose qui était quelque chose de très intime, c'est-à-dire qu'elle s'est investie dans cette écriture avec tout ce qu'elle était, et c'est ça qu'on a essayé de traquer, c'était comment ces mots de cet auteur contemporain anglais, Howard Barker, résonnaient dans la personnalité de effectivement cette grande interprète lyrique qui fait ses premiers pas au théâtre et qui laisse passer les mots à travers son corps, à travers ce qu'elle est, à travers son passé aussi, pour les faire résonner au mieux. Pour parler de la thématique, je crois savoir qu'on se situe entre la voix humaine de Cocteau et la pièce « Oh les beaux jours » de Beckett, une forme de croisement entre mélodrame sentimental et comédie métaphysique, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la qualité, c'est la richesse de cette écriture que d'être entre plusieurs registres. Et effectivement, quand on parle de Beckett, effectivement, on a appelé ça le théâtre de l'absurde à plus ou moins bon escient, mais il y a quelque chose qui dépasse les codes habituels comédie sentimentale. Il y a aussi dans cette histoire une histoire d'amour, manifestement, entre cette femme et un homme dont on ne saura jamais très bien qui il est, même s'il existe, puisqu'elle est seule sur scène et qu'elle lui parle. Mais voilà, et avec aussi, effectivement, je disais que le dramatique inclut parfois le comique, des situations qui sont tout à fait cocasses, parce que le tragique peut parfois avoir des répercussions avec la réalité dont il faut mieux rire. Dans cette pièce, l'auteur interroge la manière dont la question du rapport amoureux permet de reposer celle du rapport au monde. Alors effectivement, c'est à partir d'un monologue, parce qu'effectivement, on hésite dans la première lecture de cette pièce. On sait qu'il s'agit d'un duo, mais l'un est bien sur scène et l'autre, on l'imagine, on le suppose. D'ailleurs, il est présent à distance. Voilà, exactement. Elle s'adresse à lui. Il est présent d'une manière sonore parce que il y a des cloches, il y a des bris de verre, il y a des coups sur la porte, il est extrêmement présent et du coup une des composantes importantes du spectacle, c'est qu'effectivement c'est une voix seule qui s'adresse à un absent qui est présent par le son, et ce son est porté par un partenaire sur scène avec Nathalie Dessay qui est Alexandre Meyer, qui est musicien, qui joue de la guitare électrique et de différents autres instruments, mais qui est aussi en dialogue avec elle, même si ce n'est pas lui l'homme qu'elle attend. C'est pas, il n'y a aucune ambiguïté quant à au fait qu'il puisse être cet homme de la fiction, mais c'était vraiment un partenaire musical, sonore, de l'interprète des mots qu'est Nathalie. Dans les notes d'intention, ou la note d'intention plutôt, vous dites que cette pièce est une liaison entre l'informulable et la nécessité de dire. Tout cela avec un flot de paroles, un flux d'énergie. Pour cela, effectivement, une interprète hors norme était nécessaire. Absolument, absolument. D'autant que quand je parlais de l'informulable et de la nécessité néanmoins de le nommer, une des thématiques qui traverse cette pièce est la question de la Shoah, de l'Holocauste, et effectivement, des mots sont dits qui font référence à des événements tragiques qu'on connaît tous, mais sans que ce soit du tout une revendication, une prise de position. Ça fait partie de la vie de cette femme, ça fait partie de son histoire, mais qui est aussi la nôtre, et ça traverse effectivement cet informulable et cet innommable doit passer par des mots aussi pour raconter toute notre humanité dans ce qu'elle a de plus beau et de plus épouvantable. Le personnage de Hund, d'abord, qu'est-ce que ça veut ? Est-ce qu'il y a une traduction d'abord de ce nom, de cette identité ? Mais c'est vrai que c'est un titre qui pose question. C'est la première chose, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi Hund ? Alors Hund, UND, en allemand, c'est une conjonction de coordination, c'est « et ». Alors après, il y a, mais c'est encore une fois la richesse de ce texte que de se prêter à de nombreuses interprétations. Une des interprétations de ce titre est de se dire que cette femme est effectivement entre la vie, elle est vivante et sur le point de mourir, elle est amoureuse et dans la détestation de cet homme, elle est toujours entre plusieurs choses. Elle est tout le temps, vous parliez tout à l'heure des références à Beckett ou comédie sentimentale, elle est entre le théâtre de l'absurde et la comédie sentimentale ou la comédie métaphysique, elle est parfois très concrète et parfois dans des échappées qui devraient être spirituelles ou métaphysiques, comme on disait. Voilà, c'est un point de jonction, une coordination entre différents états et différents sentiments qu'on peut tous traverser à des moments ou d'autres. Oui, j'allais dire que au-delà de ce personnage au féminin, on pourrait effectivement, ce rôle pourrait être aussi incarné, vous allez peut-être me corriger, par un homme, puisque ce personnage incarne un ange déchu qui dialogue avec les démons du passé pour faire face à l'impasse du futur. Là, je dois dire que ça nous parle en effet à tous et à chacun de nous. Mais oui, effectivement, mais vraiment cet auteur Howard Barker, qui est à mon sens trop méconnu, c'est un des auteurs majeurs du XXe siècle, il écrit toujours, il peint aussi, et c'est quelqu'un qui touche, c'est un peu des grands mots, mais c'est une vraie réalité quand on se coltine à cette écriture et qu'on essaie de la faire résonner sur un plateau, il touche à des universels. Quand je dis des universels, c'est que comme toujours, ça passe par des choses très concrètes, très particulières, très singulières, très intimes, mais qui nous réunissent tous dans des préoccupations communes. Et en ce sens, je trouve que c'est un très grand poète. De la scène contemporaine. Vous décrivez cette pièce comme un paysage intérieur qui se dessine avec ses cimes, ses brumes et ses gouffres. Est-ce à dire que il y a quand même dans tout cela une lueur d'espoir dans ce rôle et surtout dans cette existence ? Oui, je dirais que en tout cas, il y a une vitalité extraordinaire. C'est-à-dire que la pièce dure 1h10. Très probablement que ce personnage sait où il va, mais comme on sait tous où on va, on sait qu'on va vers une finitude. Mais néanmoins, dans l'heure et 10 minutes que dure ce spectacle, on a une une survie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elle vit, elle se débat dans la vie et dans l'amour et dans la peur et dans les différents gouffres effectivement qui jalonnent son chemin, mais avec une vitalité extraordinaire. Alors, je ne sais pas si c'est de l'espoir, mais en tout cas, c'est une charge de vie formidable. Nous parlions de monologue et en même temps, il s'agit d'un duo, d'un duel, voire même, vous décrivez là encore cette pièce comme un bras de fer dans cette relation, dans ce duel entre désir et angoisse, une forme de partie d'échec à l'issue incertaine. Oui. En fait, cette histoire, on pourrait la résumer en une phrase extrêmement simple, c'est une femme attend un homme. Voilà, c'est cette histoire qui est, on ne peut plus, je dirais même, banale. Sinon que très vite, on se rend compte que cet homme est possiblement son amant, mais possiblement aussi son bourreau. Est-ce que effectivement c'est du côté de l'amour ou du côté de la mort que se situe cette relation? Est-ce que cette femme, puisqu'elle oscille sans cesse entre le fait qu'elle est aristocrate et juive, ou juive dans un premier temps, puis et, encore une fois, ce « un », de conjonction de coordination, voilà, il y a une avancée perpétuellement dans ces incertitudes, et encore une fois, avec une très grande force et une très grande vitalité, et aussi un humour qui est une respiration nécessaire à plusieurs moments du spectacle. La très grande, la captivante Nathalie Dessay, effectivement, dans ce rôle, et avec Alexandre Meyer, qui est un partenaire muet, mais qui est présent avec sa guitare électrique, c'est ça, ai-je lu ? Oui, absolument, et qui est très présent, puisqu'il y a vraiment une partition qui d'ailleurs n'est pas écrite, parce que sa musique est improvisée, donc tous les soirs, elle a évidemment des repères et des points communs, mais sans cesse, il s'adapte, il joue avec Nathalie, avec ce que Nathalie Dessay, soir après soir, invente ou réinvente, et c'est effectivement une partition musicale, hein, c'est comme un... Il a travaillé dès le début des répétitions avec nous, c'est-à-dire que sa partition s'est construite vraiment au fil du travail, c'est-à-dire que à chaque fois c'était en écho, en rebond, en contrepoint de ce qui était proposé par Nathalie et donc les mots qu'elle portait. Et voilà, c'est une présence sonore et musicale extrêmement importante, même si c'est pas toujours devant, c'est la qualité de ce musicien que de ne jamais imposer les choses. Et très souvent, ce qu'il propose, c'est des sons, des notes qui modifient nos perceptions sans qu'on en ait forcément conscience. Et ça, je trouve que c'est une très très grande qualité d'interprète. Rendez-vous sont pris, puisqu'il y aura deux représentations, le mardi 16 mai à 20h30 et le mercredi 17 mai à 20h30, à l'apostrophe Théâtre des Louvrés à Pontoise. Il y aura d'ailleurs, à l'issue de la première représentation du mardi 16 mai, une rencontre avec l'équipe artistique. C'est intéressant, ces rencontres avec le public, parce que j'imagine qu'ils sont pleins de questionnements. Oui, et en particulier sur ce spectacle, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est extrêmement pour nous intéressant d'entendre ce que les gens ont entendu, ce que les gens ont compris, parce que parfois c'est très loin de ce que nous on avait soupçonné, et c'est tout ce que j'aime au théâtre, que chacun puisse se raconter son histoire à partir de l'histoire que nous on leur propose. Und à découvrir sur la scène de l'apostrophe Théâtre des Louvrés à Pontoise les 16 et 17 mai prochains à 20h30. Un grand merci à vous, Jacques Vincey. Merci, merci beaucoup. Merci. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Théâtre et politique, vous l'avez compris, cette émission est particulièrement centrée sur cet événement, ce cycle 2017 de théâtre et politique qui a commencé le 9 mai et se poursuivra et se terminera le 29 mai prochain. Alors, Jean-Joël Le Chapelain, très vite, deux, trois mots concernant le spectacle qui, lui, sera à l'affiche cette semaine, jeudi 11 mai 19h30 et vendredi 12 mai à 20h30, cette fois-ci à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Centre, Africa Democratic Room, avec un sous-titre « Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire ». Alors c'est une mise en scène de Bérangère Janel, qui est une jeune femme qui a une formation de philosophe avant d'être metteuse en scène, et qui avait été amenée il y a quelque temps à faire des ateliers dans des pays africains, en Afrique noire, et qui avait plusieurs représentants de plusieurs pays avec lesquels elle travaillait, et elle avait apporté comme matériau de travail avec ces personnes la République de Platon. Donc c'est sur la base de ce travail de la République de Platon qu'est né le désir, avec tous ces gens qu'elle a finalement, avec lesquels elle a fait une sorte de casting, d'acteurs, qui viennent de 5 ou 6 pays d'Afrique noire, encore une fois, de monter un spectacle, mais sur la base, on est à peu près dans la même démarche que Timon et Titus, c'est-à-dire de s'appuyer sur ce que raconte la République de Platon pour, en fait, le nourrir de la réalité que vivent ces pays d'Afrique qui, comme on le sait, sont l'objet de dettes aussi pas mal, de corruption un petit peu, de maintien au pouvoir, de volonté de ne pas le quitter et de réflexion sur quelle est là-dedans la place de la République, qu'est-ce que devrait être la loi commune pouvant s'appliquer à tel ou tel, et on voit bien que c'est adapté cette fois-ci à l'Afrique, d'où son titre, hein, la chambre de réflexion de la démocratie en Afrique, le lieu de réflexion, et qui est absolument contemporain. Quoi. Un dialogue finalement entre culture occidentale et culture africaine. Absolument, jusqu'à quel point aussi peut-on faire la comparaison et l'assimiler, ça fait partie de notre colonialisme intellectuel. Je dis nous, les occidentaux et habitants du nord de l'Europe, que finalement, les lois que nous avons mises en place au fil des siècles, eh bien, devraient s'appliquer à toutes les communautés, à toutes les ethnies, j'étais prêt à le dire, enfin, à toutes les parties du monde, ce qui est loin d'être absolument évident. Et il y a des sujets, effectivement, qui traversent le temps, ce qui sont des points communs entre toutes les cultures de ce monde, contrairement des fois aux idées reçues et colportées, des sujets, des interrogations socratiques sur la justice, l'équité, l'intérêt général, l'argent et l'Afrique en mue politique, tout ça, ça nous parle également à nous, occidentaux. Oui, on peut difficilement se détacher de notre passé colonial. Alors, est-ce que les événements que nous vivons aujourd'hui sont directement reliés à, comme un retour de boomerang, à ce que nos ancêtres ont commis en allant découvrir, entre guillemets, le monde? C'est une des thèses qui n'est pas d'ailleurs unanimement partagée par tous les observateurs. Enfin, c'est en tout cas un point d'interrogation qui fait que quand on apprend au siècle dernier, aux jeunes enfants algériens, et pas seulement, que nos ancêtres, les Gaulois, n'est-ce pas, alors que nous nous trouvons en terre africaine, ça peut laisser réfléchir sur ou bien la bêtise de ceux qui mettent en place de tels programmes, ou bien les tourderies, pour dire le moins, que cela représente, et surtout la bêtise, puisque comment est-ce possible de véhiculer des choses de cet ordre? Alors, on le constate quelques dizaines d'années après, reste que cette question coloniale est quand même au centre des préoccupations de nos relations avec le monde africain. Et quand on voit aussi dans ce pays des artistes issus de cette partie du monde, on voit bien la place que prend ou qu'a prise la culture occidentale, la culture française, et leur difficulté à pouvoir réinventer de nouvelles choses, tellement les moteurs économiques, les moteurs culturels sont aux mains d'autres la plupart du temps que le peuple de ces contrées. Bérangère Janel s'est entourée pour cette création de 5 comédiens burkinabés, ivoiriens, béninois, congolais, togolais. Une manière aussi de rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que la culture africaine, elle n'est pas unique, uniforme, mais qu'elle est aussi traversée par la diversité, par de très nombreuses cultures aussi qui sont l'addition de l'Afrique contemporaine aujourd'hui. Quoi. Oui, puis avec des mouvements de population à l'intérieur du continent africain qui ont profondément modifié le cours des choses, qui ont profondément aussi permis des évolutions et des points de vue dont nous sommes assez éloignés quand même, on doit le dire, puisque on ne prend pas forcément tout le temps nécessaire à cela. Africa Democratic Forum, si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire. Eh bien, tout cela sur scène, en quelque sorte autour d'un arbre à palabres, jeudi 11 mai à 19h30, vendredi 12 mai à 20h30, à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Centre. Finissons la programmation qui nous est proposée, cette fois-ci plus directement en direction du jeune public avec Le Pays de Riens, un vrai conte philosophique qui nous fait découvrir un drôle de royaume, Jean-Joël Le Chapelain. Oui, enfin, c'est un royaume qui ressemble beaucoup à une prison, avec la volonté d'un père de vouloir écarter tout ce qui peut influencer de manière négative. On peut le penser, mais on peut penser aussi de manière positive sa jeune fille, enfin sa fille. Et donc, en écartant tout cela, en fait, il transforme cet univers, non pas on dit, la coutume de dire prison dorée, mais non pas en un espace agréable, mais plutôt en un espace à fuir. Et donc, c'est une sorte de métaphore de La Belle au bois dormant que nous propose Nathalie Papin, qui est une auteure qui a de nombreux textes à son actif en direction du jeune public, et qui propose là l'introduction dans cet univers d'un jeune homme qui va complètement bouleverser les choses et lui faire prendre conscience que ce pays de rien, eh bien, peut être un pays... Enfin, qu'il existe plutôt ailleurs des pays de quelque chose, si on peut dire, avec le recours à des technologies d'aujourd'hui, des images, du son, de la vidéo. Et oui, ce jeune étranger fera souffler un vent de révolte dans le royaume, et ce qui va indiquer qu'on peut aujourd'hui, y compris au travers de pièces comme celle-ci, porter un regard critique sur le monde. Oui, et puis c'est l'apanage de la jeunesse, on le vit déjà tout à fait au quotidien aujourd'hui. L'avenir est contenu dans la jeunesse. Le Pays de Rien, de Nathalie Papin, sur une mise en scène de Betty Hurtubise. C'est un spectacle à voir à partir de 7 ans, le dimanche 28 mai à 16h, ainsi que le lundi 29 mai, pour deux représentations, 10h et 14h30, en scolaire, je le précise, l'apostrophe Théâtre des Louvrais à Pontoise. Je voulais ajouter une petite précision sur le spectacle, les conditions d'accueil du spectacle de Brigitte, puisque on a parlé tout à l'heure de la journée du théâtre, mais ce qui est intéressant, c'est de parler des deux aspects. Donc David Gesselson qui a été interviewé, qui sera interviewé aujourd'hui, parlera de son spectacle qui parle de la migration. Je ne veux pas déflorer le sujet ici, mais qui parle de la migration de son grand-père du nord au sud de l'Europe, et du conflit israélo-palestinien. Et donc, avec le conflit israélo-palestinien, on est dans cette première partie à 19h, on est dans cet univers, et puis après une petite collation, on entre dans celui de Brigitte et de Corneille Assemblée. C'est quand même une belle perspective. Pour cette nuit au théâtre, sur deux lieux, avec effectivement une migration organisée absolument, entre les deux théâtres. Entre ces deux théâtres. Voilà, il y a quand même un événement à évoquer au cours de cette émission, pour conclure cette émission, c'est la présentation de saison 2017-2018 qui est annoncée prochainement pour le samedi 10 juin, c'est bien cela ? Voilà, samedi 10 juin, 19h30, donc ça sera la présentation du programme de la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, puisque ce sera l'occasion aussi de présenter au public la nouvelle directrice de cette entité qui rassemble les trois théâtres finalement. Le théâtre des Arts à Cergy-Centre, le théâtre des Louvrais à Pontoise et les deux salles du théâtre 95, la salle Visconti et la salle Arendt. Donc le samedi 10 juin, 19h30, au théâtre des Louvrais. On ne dévoile rien aujourd'hui, mais par contre, tout sera dévoilé au cours de notre prochaine émission qui aura lieu le mercredi 14 juin sur cette même antenne de RGB. Allez, en conclusion, pour toute information et pour toute réservation concernant l'ensemble des spectacles qui vous ont été présentés au cours de cette émission, je vous propose de composer le 01 34 20 14 14 ou bien sur Internet de pianoter l'adresse suivante, le www.l'apostrophe.com. Tout attaché en un seul mot, .net. Remerciements à tous nos invités et intervenants, ici en studio, y compris par ceux qui sont intervenus par la voix téléphonique. Merci également à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements également à Damien Gissat qui a réalisé en technique cette émission. Émission préparée et animée comme vous le savez, par votre serviteur et animateur José Guérin, qui vous propose la rediffusion de cette émission samedi prochain, samedi 13 mai, de 9h à 10h du matin, sur RGB, sur le 99.2 FM, et sur radio-rgb.net, puis émission disponible, comme chacun sait, en podcast sur cette même adresse. Allez, il est temps de vous dire que notre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission, c'est pour le mercredi 14 juin de 19 à 20h. D'ici là, portez-vous bien. On vous donne rendez-vous eh bien, au moins le 10 juin prochain à l'apostrophe théâtre des Louvrais, mais aussi pour l'ensemble des spectacles à l'affiche de théâtre et politique. Quant à moi, eh bien, je vous espère sur l'antenne de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM. À bientôt. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.